بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 23. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد انتهينا ولله الحمد من دراسة هذه المنظومة النافعة البيقونية للإمام البيقوني رحمة الله عليه et on a lu le شرح للشيخ سعيد بن دعاس اليافعي رحمه الله تعالى. C'est un charh mukhtasar, nafis, pour les débutants et les tayyib diddan. Waliyawm, incha'Allah ta'ala, on révise. Hadihi al-manzouma. On révise ma tayyassar min al-aqsam. Walillah ilhamd, la risala, elle est comprise. Au fur et à mesure, tous les jours, on révisait au début des durous. Incha'Allah, hada c'est mafahoum. Elle est sahla diddan. Et c'est une nubdha tayyiba fi al-hadith, fi al-mustalah. Un aperçu tayyib. Là, à chaque, ça ne suffit pas. Lakin, pour les débutants, annaha li tayyiba jiddan. Inch'Allah, fiha fawa'id kathira. Awwalan, on avait expliqué dans le premier dars, la muqaddima, ma'na l'isnad wa ma'na l'matn. Et avant ça, on avait expliqué, on avait fait une ishara anna l'ilm, ilm l'hadith, yan qasmina qismain. Ilm diraya wa riwaya. Wa l'mustalah, c'est ilm, il l'appelle ilm ad-diraya. علم مصطلح الحديث بس علم أي تتدي مصطلح العلماء في هذا الفن المتعلق بالإسناد والمتن تسا علم المصطلح تبايت نتد إلي سابر قوانين العلماء أو قوانين يعرف بها أحوال الإسناد والمتن أي دي غيقل تبا كونت دي غيقل إصطلاحات أهل العلم في هذا الباب المرفوع الموقوف المسلسل المدبد المبهم المعل اكسترا لأقسام قنابي هذا علم الحديث دراية أما الرواية فهو علم يختص بالبحث غالبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي سيفعال سيقوال صفات عليه الصلاة والسلام أي دراسة الحديث comme les dorous qu'on fait fil markez fi sahih al-Bukhari, sahih muslim. Amma nahnu l'an, c'est le mustalah, c'est autre chose. Mustalah, tu n'expliqueras pas le hadith. Tu ne tireras pas des fawaïd min hayth al-fiqh, etc. Là, ilm al-mustalah, c'est un outil pour connaître sihat al-hadith. Et tu connais ahwal al-asanid ou al-rija. Et hada, inshallah, c'est compris. Et c'est l'étude qu'on a fait ensemble de ce matn al-bayquniya. ما معنى السند؟ سيكون إسناد؟ هو سلسلة الرواة إلى المتن. نعم، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أي سيتشن دو رابورتور فلان قال حدثنا فلان عن فلان سمعت فلان. Tout ça jusqu'au متن. Que ça soit le متن إسوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام صحابي. مهم سام متن. فهذا cette chaîne de transmission العلماء il l'appelle السند أو الإسناد والمتن ما هو القصد السلسلة أي إما قول الفعل من الرسول والإقرار والقول والفعل والصحابة المتن هو on avait dit quoi نحن هو الفاظ يكون به المعنى ها الفاظ الحديث يكون فيه المعنى يكون فيه المعنى منتهى الإسناد La fin de l'isnat, ce qu'il y a après l'isnat, c'est al-matn. Pour vous simplifier. Fanahnu, stafadna, c'est aqsam de hadith, imma, ça sera lié au isnat, imma au matn, imma les deux. Qui c'est qu'un mithal, un qism qu'on a vu, c'est khas pour l'isnat. On ne parlera pas de matn, fi. Mithl mada. Mithl hadith al-munqati'a. Hadith al-munqati'a, naam. Il y a un saqt fil isnat. Tu ne regardes pas le matn. Le matn, c'est autre chose. La kin al-munqati', ça sera un défaut dans l'isnad. Il manque un rapporteur. Qui c'est qu'un mithal fil matn? Al-marfou'. Al-marfou', aïe, c'est kalam al-Nabi alayhi salatu salam, et on ne regarde pas l'isnad. Il peut avoir isnad, il peut ne pas avoir d'isnad. Al-hadith, il est marfou'. Aïe, marfou' an al-Nabi sallallahu alayhi salam. Amma s-sihha wa adam s-sihha, c'est autre chose. On a commencé les aqsam. L'imam al-Bayquni, il a cité le qism A'adam al-Aqsam wa huwa al-Sahih. C'est quoi le hadith sahih? Ta'arif ahl al-ilm, al-muhadithin. Al-hadith. Al-hadith al-Sahih. Al-hadith sahih huwa al-ladhi isnaduhu ili muttasil. Isnaduhu ili muttasil. Binaql al-adl. Binaql al-udul. Binaql al-udul. Wa tam al-dabt. Naam, c'est Urwa, ils ont un dabt tam. لم يكن شاذا أو معلل. هذا سيسا الحديث الصحيح. Et le tarif فيه les 5 شروط qu'on a vu. اتصال السند وعدالة الرواء وضبط الراوي. Et les 2 autres شروط لا بد qu'ils y sont pas. انتفاء الشذود وانتفاء العلة. Et tout ça ولله الحمد, on l'a vu en détail. Comment on a vu le hadith al-Hassan? On a vu le hadith al-Hassan. Prenez page numéro 15 de cette risala. C'est une risala nafi'a. Al-Mabadi al-Mufida fi mustalah al-Hadith. Li-Akhina Abdullah al-Iryan. Waffaqahu Allah. Avec Muqaddimat Cheikhina Yahya. Et cette risala est tayyiba, il a résumé le Bayquniya et d'autres livres, des livres de débutants fi al-Hadith. Lakin il a fait des schémas. Et les schémas fil mustalah, c'est muhim, khassatan pour les débutants. Là, il te donne une sourah. Il te donne une sourah de ce qism. Page numéro 15, il a cité un al-hadith al-maqboul. Vous voyez le schéma au milieu de la page. Un al-hadith al-maqboul, il est à la nawa'in. Al-sahih ou al-hasan. Même un al-hadith al-maqboul. Ça veut dire qu'il y a un hadith qui est Mardoud. مقبول مردود فلماذا يزن أو سنفكوا هذا حديث أن حديث المقبول أن حديث المردود عند من الحديث المقبول هو يكون به الأحكام الشريعة نعم الحديث المقبول لحديث اجتمعت فيه شروط الصحة أو شروط الحديث الحسن هذا حديث سيكون حجة سيكون دليل برهان تبقى أبليكي. On va baser des ahkam, que ce soit dans l'aqida, dans le fiqh ou autre. Al-Mardoud, c'est les aqsam qu'on verra. Al-Mardoud, il n'est pas accepté. On ne peut pas l'appliquer. Mafhoum. Hada, c'est muhim, cette muqaddima. Hadith maqboul, hadith mardoud. Al-An, al-Hadith al-Maqboul, il nous a cité deux nawa, al-Sahih ou al-Hasan. Al-Sahih, taqaddam. Ou al-Hasan, ma huwa al-Hasan? Tafaddal. الحديث الحسن هو الذي اتصال السند وعدد فيه اصبر قليل اتصال السند هذا اولا اتصال السند سوف يسقط ماذا المنقطع سوف يسقط الانقطاع سينسقط في الاسناد ثانيا عداله الراوي سوف يسقط التدليس لا سي بلو باس تدليس سي ان اكزامبل فقط عداله الراوي سوف يسقط الكاذب Ça fait sortir un raoui qui n'est pas adl. Ça peut être un kafir, ça peut être un kadhaf, ça peut être un munafir, ça peut être quelqu'un qui oublie, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de khata, ça peut être un mudallis, ça peut être tous les aqsam qu'on a vu. Mais si tu cites le kadhif faqat, on va te dire donc, al-da'if, qui oublie beaucoup, il est à la shart al-sihha. Là, toi, dès que tu as un shart, en général, son contraire, c'est plus un shart. Maintenant, je te dis, min shurut, que ça soit un muslim, annahu yu'min billah. Ça, c'est un shart. Si je te demande, ça fait sortir quoi? Tu vas pas me dire, ça fait sortir le juif. Là. Tu dis, ça fait sortir, alladhi la yu'min billah. Inverse, faqat. Ça englobe les juifs, les chrétiens, les majus, les rawafid, les zanadiqa, les munafiqin, les mulhidin, etc. Tout anwa' al-kufr. Dès que vous parlez vaste. Restez pas sur une chose, annahu, ça, c'est un sabab. L'intiqad est un sabab al-da'af. Il y en a un, il va venir, il va te dire, alors Foulain, il ne rentre pas fi hada. Et tu seras bloqué. Troisièmement, عندك. Khafif al-dabt. N'am. Annahu al-dabt, il n'est pas comme dabt al-sahih. Son dhabt, il est akhaf. C'est pour ça qu'on l'a classé fi al-hasan. Et c'est ça la différence entre al-hasan et al-sahiyya. Al-rabi' salamatu al-isnad mina mina shudud mina shudud. Wal-khamis salamatu al-sanad mina al-illah. Hada al-hasan. Donc, c'est comme le sahih, sauf que al-dhabt الضبط عند الحسن إلى خفيف أي الراوي الحسن وعند الصحيح إلى تام. ما معنى الضبط؟ هو حفظ الراوي الحفظ الضبط الحفظ الحفظ إلى على قسمين حفظ الصدري حفظ صدر الضبط ضبط صدر ولدوزيام ضبط النقل كتابة أيوه ضبط كتابة غيستي دوني ألفات كنا بيه ضبط صدر الضبط كتاب نعم الضبط الحب فهذا طيب. Donc الحديث المقبول الصحيح والحسن. الصحيح est divisé en deux et الحسن est divisé en deux. تفضل. Le premier نوع du صحيح صحيح لذاته. ما معنى الصحيح لذاته؟ يأخذ كل شروط يقبل كل شروط الصحيح الصحة. نعم, tu peux faire une phrase avec tous les شروط الصحيح هو et tu les cites tous. الصحيح هو يشمل عدالة الراوي والحفظ بالضبط الضبط للراوي واتصال السند وسلامة الشذوذ ولا ما كامو من الشذوذ سلامة الإسناد من الشذوذ وسلامة من العلة من العلة. هذا الصحيح لذاته. ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط من غير شدود ولا علة لتعريف كلاسيتي في المبادئ المفيدة في مصطلح الحديث طيبة. للدوزي من أول هو يكون الصحيح لغيره. الصحيح لغيره ما هو؟ وهو يكون الحديث حسن لذاته وروي بطرق أخرى. نعم, حسن لذاته كما بابوه. On va voir c'est quoi le hasan lidhatih, et on l'a vu, c'est les shurut qu'on a vu fil husn. Lakin il y a une autre tariqa ou des turuq, des autres hadith qui renforcent ce hadith et ils le font monter au niveau du sahih li ghayri. Donc le premier niveau et le plus haut niveau fil hadith c'est sahih lidhatih. Thumma as-sahih li ghayri. Hasan lidhatih avec des autres chaînes de transmission qui l'appuient. Troisième catégorie. On a dit il y a quatre catégories fil sahih wal hasan. Les deux premières sahih li dhatihi, le deuxième sahih li ghayrihi. La troisième hasan li dhatihi. Hasan li dhatihi ma hu? Annahu yashmil al shurut al hasan. Na'am. Ay ma ittasala isnadu bi naql adl khafif al dhabt. Al sahih li dhatihi on a dit tam al dhabt. Huna tu dis khafif al dhabt. Tu changes. Il n'est plus au niveau du sahih li dhatihi, il est au niveau du hasan. Qala min ghayri shudud wala illa. Bien sûr, il n'y a pas de shudud, il n'y a pas d'illa. Hada al hasan li dhatihi. Quatrième. Hasan li ghayri. Hasan li ghayri. Ma hu? Wahan yakun yani al hadith da'if, lakin ruya bi turuq ukhra. Na'am. Ces turuq ukhra, elles font quoi? Yurfa' al da'if ila al hasan. Ila al hasan. Pourquoi on a dit les ghayri? Non, Hassan, il y en a vidate. Lui-même, le hadith est un dhaif. T'as un exemple. Sans citer d'exemple de hadith, lakin, fakat, tu nous montres, maintenant, s'il y a ça plus ça, ça donne ça. C'est quoi le dhaif qu'il a? Non, maintenant, t'as un hadith, il y a un qita'a fi s-sanad. Il manque un raoui. تفضل. لكن روي بحديث أخرى أن ال ال أي روي بحديث آخر أن في هذا السند يعرف الذي سقط الراوي الذي سقط يعني. Le deuxième سند il est comment صحيح ضعيف حسن. يكون مدلس. Donc il est ضعيف. Il est ضعيف. Deuxième حديث il est ضعيف. Troisième on a trouvé un troisième. Il va être comment le troisième qu'on a trouvé? Sahih. Il n'est pas sahih. Parce que si tu dis que c'est sahih, c'est sahih de lui-même. Ahsan. Donc, les turuq, fiha shay. Lakin, ce da'if, avec un autre daïf. Matalan fihi tadlis, un raoui. Thumma le deuxième fihi al-qita. Thumma on a un troisième, on a un mursal. Thumma. Va hada al-ulama, ils diront il est hassan li ghayri. Lakin, on avait dit, il y a un shart, c'est que le daïf il n'est pas shadid. Amma un maudou avec un matrouk, avec un munkar, avec tout ça, ça reste du daïf. Ahsan tum, hada c'est compris. Et c'est anwa taqoum biha al-hujja, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le fiqh. Qu'il soit mutawatir ou ahad, que ce soit qu'un raoui qui a rapporté ou plusieurs, quand qu'il est sahih ou hassan, on l'applique. On l'applique et on le prend en considération dans notre din. Et c'est ça, as-sunna sahiha. Elle est fondée sur des hadiths sahiha et hassana. Comme on a vu le troisième qism, al-da'if. Ma ma'na al-hadith al-da'if? Al-da'if est qawi, wa la yukmil al-shurut al-hassan. الراوي هو تحت الـ تحت الشروط الرتبة الحسن. نعم ما قصر عن رتبة الحسن. Il atteint pas le niveau du حسن. Ça te montre que le حسن لغيره c'est le plus bas niveau dans le صحة ou dans le حسن. Ou tu prends un mot plus vaste dans le مقبول. C'est le plus bas niveau. Le plus haut niveau صحيح لذاته après لغيره après حسن لذاته حسن لغيره. Si tu descends en bas t'es dans le ضعيف. Et on avait vu, et il le cite on a page 17, anwa' al-hadith al-mardud il est à la qismain, on l'avait vu hada. Ma huma? Le hadith il est da'if pour une de pour deux causes. Imma ta'n fi al-rawi. Imma ta'n fi al-rawi. Imma saqt fi al-isnad. Et tout ça, ça va te donner plusieurs anwa'. Page 18, il a cité un schéma et il te montre anwa' al-saqt. Et c'est des hadiths qu'on a vus. Anwa' al-saqt. Parmi ces hadiths qui citent, fiha saqt, donc elle sera da'ifa, al-mursal. Ma ma'na al-mursal? Wa ma adhafa al-tabi'i ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, ma adhafahu al-tabi'i ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-saqt, il est ay? Sahaba. La. Un mot plus précis. Si on dit sahaba, sahaba, il n'y a aucun problème. Kulluhum udul. Tabi'i. Tabi'i, on n'est pas sûr. Ça peut être autre qu'un tabi'i. Donc il y a deux. Deux, le saqt, ils sont deux. Donc le mursal, c'est obligé qu'ils sont deux. Non. Là. Là, c'est pas obligé qu'ils soient deux. Là, là, c'est pas obligé qu'ils soient deux. Le mursal et un saqt. Si tu dis sahabi, ça a khata. لأن ça serait sahabi كلهم عدول ça fera aucun mal. Si tu dis deux ça veut dire que le mursal là bout le saqt il soit deux là bout un tabi'i qui manque un sahabi هذا في نظر personne a cité ce tarif فما هو لما فوق التابعي فالسقط لما فوق التابعي راوي بين بينهم وبين après le tabi'i un saqt. C'est qui Allah a'lam. Ça peut être un sahabi, lakin tu sais pas. Si c'est un sahabi, tu saurais. Fait le haqiqa, il n'y aura aucun problème. Lakin hada, tu le sais pas. As-saqtu, anta, si tu prends al-isnad, ça va te donner hada. Al-mursal, un isnad. Hada, c'est un tabi'i. Tamam. As-saqtu, il est après tabi'i. Huna. Huna, il y a un saqt. C'est qui Allah a'lam. Tu peux pas dire deux. Là, tu sais pas. Hada. Là, le saqt, il est après tabi'i. Ça peut être un sahabi. Et ça, tu le sauras avec une riwaya ukhra. Et tu verras que le hadith, en fait, il était sahih ou hasan. Et ça peut être un tabi'i. Et si c'est un tabi'i, on est obligé de savoir c'est qui. L'ana, al-tabi'i, il faut qu'il ait les shurut de sihah ou al-husn. Shurut al-hasan. Hada. C'est pour ça que son ta'bir, il est tayyib. Fassaqtu lima fawq al-tabi'i. Rubama nahnu on n'avait pas cité ce lob, lakin on avait expliqué hakada. Lakin ce lob, stafadnah il est tayyib. Fassaqtu lima fawq al-tabi'i. Hada al-mursal. Al-mursal, il rentre en dessous de quel naw'? On peut le faire rentrer en dessous d'un naw' qu'on a vu. Ma hu? Al-munqati'. Il y a un qata' fi al-sanad. Il rentre, fi al-haqiqa, fi al-munqati'. Il cite كذلك من أنواع السقط et l'a appelé le واضح. Là, on va voir qu'il y a un nom, il n'est pas واضح, c'est التدليس. المعضل ما معنى المعضل؟ أن يكون السقط من إثنان في الإسناد، سقط من إثنان فأكثر، فأكثر على التوالي. على التوالي أحسنت. ما معنى على التوالي؟ متعلق بعض بعض، أي واحد بعد واحد، واحد بعد واحد. لأن ستة أن au début du isnad, t'as un raoui, deux raoui, t'as un autre saq, t'as un raoui, t'as un raoui, c'est pas le mu'adhal. Le mu'adhal, c'est que le saq, la coupure, elle est de suite. Maintenant, il en manque deux de suite. Le mu'adhal, il est simple. C'est, il fait partie de al-za'if. Il a cité le mu'qati' wadih. C'est quoi le ta'rif du mu'qati'? Ma saqata bin isnadihi? Raoui. Raoui, ou? Fa'akthar. ليس على التوالي حتى في الديفيرونس avec المعضل. الان لو طابلو كي لا في انواع السقط الواضح المعلق لا بالو المعلق انا اكسبليك المعلق الا اون سيت تعريف الى سيتي هو هو ما حذف من اول سنده راو او اكثر ولو الى اخر السند اون ا دي كوم يفي الامام البخاري ده الصحيح مثلا الامام البخاري دي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم il enlève tout l'isnad et il cite directement le sahabi ou directement le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle mu'allaq. Mu'allaq, il manque le début du isnad, que ça soit un peu ou kathir du sanad, il l'appelle le mu'allaq. Taghliq al-ta'liq de l'imam al-hafid ibn Hajar, on avait dit il te montre ce saqt que le Bukhari l'a fait volontairement et il te montre le isnad, est-ce qu'il est sahih ou pas. Ça c'est le mu'allaq. Donc mu'allaq, مرسل معضل منقطع تصايا سقط في الإسناد ونبي كذلك من الأقسام المهمة دون السقط ونبي التدليس ما معنى التدليس أولا ما معنى التدليس نعم الظلام أي quelque chose qui n'est pas clair هو في الاصطلاح هو ينقسم إلى قسمين إلى قسمين أحسنت الأول تدليس الإسناد ما هو تدليس الإسناد هو أن الراوي يروي حديث عن شيخه ولكن لم يسمع منه لم يسمع منه لم يسمع منه نعم بينه وبين شيخه واسطة لا يعرف لكن يحذفها لسبب أيدي عن أي سيتون شيخ العلماء يمونتر كو سان مدلس إلا دي عن في الحقيقة إلا با أنتوندو سون شيخ بوركو يدي عن ربما الذي يسمع نعم فيسقط الضعيف ايدي عن يسيت son شير pour te faire croire qu'il a entendu le hadith de son شير c'est un مدلس هذا تدليس الاسناد تدليس الشيوخ عندك يسمى شيخه باسم غير مشهور نعم يسمي شيخه باسم او بلقب غير مشهور لماذا اما كثرة نعم il veut faire croire qu'il a beaucoup de mashayikh ou qu'il a une riwaya que personne n'a il a akhir فهذا c'est مهم et هذا في الحقيقة تدليس الإسناد في الحقيقة le saqt il y a un saqt لكن il est khafi c'est pour ça que هو il a cité un saqt il a cité deux anwa saqt واضح كالمعضل il y a manque 2, 3, 4 et saqt khafi كالمدلس تدليس الإسناد ça c'est مهم et il a cité des anwa Il a cité des autres anwa'a que vous verrez, tadlis al-qat', tadlis al-sukut, tadlis al-afd. Tout ça, vous les verrez, inshallah, dans les prochains livres. Il a cité un schéma tayyib, ba'd dhalik, fi at-ta'n fi al-rawi. At-ta'n fi al-rawi, c'est le deuxième, la deuxième cause de mada? Indaman? La deuxième cause de? Al-da'af. Al-da'af, le sabab, c'est imma isqat, ou saqt, fi السند أو طعن في الراوي إلى ست أشياء طيب أنواع الطعن في الراوي أي ست قال من الطعونات في الراوي البدعة الكذب التهمة بالكذب الكذب سك النوع الموضوع التهمة بالكذب سك النوع متروك أحسن الفسق الجهالة المخالفة المخالفة on peut faire entrer des أنواع الشاذ أحسنت Deuxième mukhalafa qu'on a vu, c'est quoi? La première, c'est Shad. Le deuxième? Al-Munkar. Et là, on aurait vu ces deux. Al-Shad ou Al-Munkar. Vu qu'on est fihada. Faites-moi penser qu'à d'alik Al-Mu'an'an. Al-Shad. Ma man Al-Shad? Al-Shad, huwa rawi, yani makhoul, yukhalif, min huwa ou la minu. Naam. Al-Maqboul yukhalif man huwa awla min. Pourquoi tu n'as pas dit thiqa? C'est plus vaste. Naam, ça peut être, il est en dessous d'un thiqa, lakin son hadith il est maqboul. Ahsan, yukhalif man huwa awla min. Cette mukhalafa elle est de deux sortes. Indak. Imma, il est awthaq minhu. Et il a plus de hifz, il a plus de ilm, il a un rang plus élevé que lui. Voilà, s'il le khalif dans une riwaya, sa mukhalafa, ça sera min qism shudud. Et on a donné des exemples. Imma, fi madha, al mukhalafa alifi? Fi al-ruwat. Naam, al-ruwat. Aïe? Kassat al-ruwat. Naam, aïe fi l'adad. Aïe, il est tout seul. Et maintenant, ils sont cinq. Ils le khalif dans sa riwaya. Imma, ils ont le même niveau que lui. Imma, ils ont un niveau plus grand. Enfin, Mimbab Aoula, s'ils ont un niveau plus grand, on va prendre leur riwaya. Hada. Donc, son hadith est sur Rachad. Al-Munkar? Même en al-Munkar? إفراد الضعيف يخالف ال مخالفة الضعيف لي اللي يخالف من مخالفة الضعيف للمقبول ثم il a cité page 27 et page 26 il a cité أقسام الحديث من حيث انتهاء السند انتهاء السند tu peux le remplacer par un mot أحسنت المتن. Il va citer des aqsam par rapport au matn qu'on a vu. Le premier, al-marfou'. Ma huwa al-hadith al-marfou'? Ma udhifa ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il y ait un sanad? Non. Yani al-mabahith fi al-matn laysa fi al-sanad. S'il y a un sanad, on dit hadith marfou'. S'il n'y a pas de sanad, on dit marfou'. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est al-matn. Yani la an yakun udhifa ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم فعل توصاص مرفوع تقدم الموقوف ما معنى الموقوف ما أضيف إلى الصحابي أحسنت ما أضيف إلى الصحابي يا إسناد أم لا le troisième مقطوع on l'a vu ما أضيف إلى التابعي هذا et ça c'est un taqsim tayyib. Donc avec cette risala que vous avez vu le Bayqouniya, tu lis هذه normalement tu comprends. لكن لماذا ربما ستتعب قليل au départ, c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même tertib. Cheikh Saïd il a suivi le tertib de le Bayqouni. Al-Akh Abdullah Al-Iriani il a fait un autre tertib lui par rapport à maintenant al-Saqt, il te cite tous les aqsam. Al-Ta'n Firawi il te cite tous les aqsam. Par rapport au Matn il te cite tous les aqsam. Si tu as compris هذا, en réalité tu as compris هذا. Mais pour faire le lien des deux, il y a besoin de chez min al-waqt. Mais tamam. Tamam avec un mudarris avec muraja'a, maintenant vous y arrivez. Maintenant vous après cette muraja'a, tu relis un sharh de al-Bayquniya, un autre et tu vas encore comprendre en plus et tu rakkad ala hadi ar-risala. Ahsan tu la lis avec un frère à deux et vous regardez, on a fait ça. Matalan aqsam al-hadith ici page 28 min hayt al-ulu wa al-nuzul. On l'a vu ça, le hadith l'Ali ou al-Nazil. Tu l'as vu dans le Bayqouniya, mais avec des autres mots. Al-An huwa et tussit, min hayt al-ulu wa al-nuzul, t'as deux qismes, l'Ali ou al-Nazil. C'est quoi l'Ali? Sanad ou Qasir? Hein? Le Sanad il est? Qasir. Naam, il n'y a pas beaucoup de rijal. Ou al-Nazil? Diddouhu. Aïe, al-Adad il est kathir. Hada. Ici, et c'est le dernier chapitre, page 30, ici, aqsam al-hadith min hayt riwayat al-ruwa. أي فلان يغبط عن فلان أو فلان عن فلان. On avait vu beaucoup d'aqsam. منها المدبج. Vous vous rappelez? أي. C'est quoi le مدبج? Le Coran va يدخل في في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدون فصل وتميز بها. أظن تعم رانجي. المدرج. المدرج. المدرج. نعم. نحن هنا في المدبج. المدبج أيوة. يأخذ الروي يأخذ منه و يأخذ ال. Il y a deux choses fil mudabbaj. Qarin. Awalan, ces deux rawis, il faut qu'ils soient. Qarin. Naam, hada qarin hada. C'est quoi al-qarin, al-aqran? Al-qarin, huwa qarib fil sin wal-ilm. Wa naam. Wa ils sont dans la même tabaka. Même tabaka, ils ont un âge, il est presque le même, ils sont la même génération, on va dire. Et fil ilm, ils se ressemblent. Ça, c'est la première chose fil mudabbaj. Aïe, que ça soit des aqran. La deuxième chose. أحسن سك هذا يعبر عن هذا وهذا عن هذا. سانتهينا المدبج. إلى ستة كذلك. Alors c'est quoi qu'on a vu kadhalik min hadha al-bab? Tout ce qui est rapport avec rawi an wahid al-musalsal. Vous vous rappelez de al-musalsal? Ma ma'na al-musalsal? Tatabu' al-rijal ala sifatin aw sawf. Na'am, ala sifa aw hala wahida. Ma'ruf. Mithl? Mithlan kull wahid yarwi al-hadith wa yamsik lihyatahu. Na'am. On a vu l'exemple, kull wahid il rapporte le hadith et il tient sa barbe. Ou kull wahid il rapporte le hadith la même sira an. Ou tous ceux de la chaîne de transmission, ils sont du même pays. Musalsal bil yamaniyin, musalsal bil iraqiyin, musalsal bil shamiyin. Ça, c'est des aqsam qui sont sahles. Kadhali qui rapporte des fawaïd qu'on n'a pas vu. Matalan, riwayat al-abna'ni al-aba. Et hadith est ma'roufa. Le fils, il rapporte de son père. Mithman Abdullah ibn Umar. Non, Abdullah ibn Umar. Il y a l'inverse, kadhali. C'est le père qui rapporte an al-ibn. كذلك الاخ عن اخي او sa sœur او la sœur elle rapporte de son frère او le frère il rapporte de son frère وهكذا كذلك الشيخ الشيخ son élève l'élève il rapporte du شيخ ça c'est l'asl في الروايه il rapporte de son شيخ كذلك العكس le شيخ il rapporte de son élève ça arrive روايه التابعين عن الصحابه ça c'est روايه التلاميذ عن المشايخ كذلك tu peux trouver une riwaya un sahabi rapporte à un tabi elle est rare لكن قد توجد هذه c'est tous les aqsam il les a répertoriés هو من حيث روايه الرواه اما الصحه tu regardes bien sûr الصحه والضعف ça dépend du rawi et ça dépend des shurut qu'on a vu هذه ملخص cette رساله مبادئ المفيده on a vu les principaux schémas نعم il manque des anwa' qu'on n'a pas vu. تفضل. المعنعن ما هو المعنعن؟ أن الراوي يروي أن الراوي يروي بألفاظ عن. نعم أن الرواة يروون الحديث بألفاظ عن عن فلان عن فلان. المعنعن إذا صحيح أو ضعيف؟ لابد باشتراط الشروط. شروط الصحة سيلا شروط الصحة. bien sûr il est من الصحيح. sauf نعم المدلس المدلس عنعنته elle n'est pas acceptée sauf si bien sûr on a نص imam comme quoi il n'a pas fait de tadlis في هذا كعنعنة قتادة وسفيان etc هذه elle est مقبولة مقبولة si l'imam il dit elle est مقبولة المبهم ما معنى المبهم أو دانا مثال si ربما احيانا on connaît le qism لكن on a du mal à le citer à s'expliquer cite un مثال المبهم لا تعرف اسمه نعم ويقدح السند نعم لماذا سيقدح في السند لماذا لانه لا تعرف الرجل نعم لان لا تعرف الرجل من شروط الصحه والحسن الضبط bien sûr تام او خفيف عداله الراوي الان tu sais pas qui comment tu vas Comment tu vas dire que le hadith il est sahih? Aslan, tu sais pas c'est qui. Donc, c'est mon qism al-dha'if. Mithal? An Nafi, an Fulan. Naam, an rawi ki connu, an rajulin. Ou an shaykhin. Ou an mra'atin. Naam. Fal ibham, ça fait du mal au isnad. Sauf dans un cas? Muta'alliq bi sahaba. Naam, amma si c'est un sahabi. رجل من الصحابة صعيب عن رجل من الصحابة لا يضر يا إبهام لكن الصحابة كلهم عدول فصفي أكمل كالقسم كذلك كنا بابي مهمل ما معنى المهمل عندك أن يروي الاسم الراوي لكن يبقى الإبهام فيه نعم هنا الاسم لكن لا نعرف ما سيكي لأنه يحتمل كسا سوى فلان فلان مثلا عن محمد محمد جنا plusieurs. ففي هذا الحال وغارد سيكي. عن قتادة. سمين المهمل. قط الرواة تزيز عن قتادة. كان يعرف أنه إمام قتادة هو الإمام. نعم قتادة سمعروف. عن سفيان. سيبا من المهمل. عن سفيان تغيما عن جنرال ابن عيينة أو الثوري. أفرق تسوغا سلوكال. لكن عن محمد. محمد سبوكو بلوفاست. Des milliers de rawis c'est Muhammad. Dans une tabaqa, Rubama, t'en as des centaines, des milliers. On regarde. Lakin, dans certains livres, tu sais c'est qui. Quand l'imam Bukhari dit Muhammad, son cheikh al-Muhammad, on sait c'est qui, en général. Fahada. نعم العزيز هذا هنا شيما أظن لا بد هو إلى فهم شيما في هذا ننظر باش تخز أقسام الحديث الآحاد الآحاد سيلي با متواتر أي dans une طبقة du إسناد ils sont peu ils n'arrivent pas au niveau du tawatur tawatur c'est des dizaines de rawi يا بعضهم يدان قسم أو عدد محدد الصحيح سك سك يباد عدد محدد فتال أحد المتواتر المتواتر c'est tellement qu'il y a beaucoup de rawi qui l'ont rapporté ils peuvent pas tous s'être rassemblés على الكذب أبدا donc متواتر il est accepté الأحد كذلك إلا عند أهل البدع il le rejette خاصة في العقيدة كالمعتزلة أما نحن on l'accepte s'il y a شروط الصحة bien sûr الأحد C'est ce qu'on a vu, nous. Et l'ahad, vous verrez plus en détail dans les autres livres. Lakin, nous, c'est ce qu'on a vu. Al-Mashhur, Wal-Aziz, Wal-Gharib. On a vu ces trois. Ma ma'na Al-Mashhur, Al-Hadith Al-Mashhur. Tabaqat ou Ziyada? Trois tabaqat, là. Le mot tabaqa? Rouat. Naam. Rawi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Rawi? Ma rawah, thalath. Ça suffit? ثلاث jusqu'à تحت التواتر jusqu'au تواتر هذا المشهور أما هنا قال هو ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاث هنا il a pris l'autre قول أنه أكثر من ثلاث donc ça commence à quatre لكن الصواب c'est ثلاث ça commence à trois jusqu'au تواتر et بعض العلماء disent أربع et c'est ce قول qu'il a choisi الإرياني وفيه نظر ça c'est le مشهور Donc dans une tabaka, ils sont trois ou plus. Lama lam yablugh had at-tawatur taqaddam. Al-Aziz. Al-Aziz huwa marwi ithnan faqat fi tabaqat wahid. Na'am, ithnan faqat. Ba'dhum yadiz ithnan aw thalath par rapport au khilaf qu'on a vu fi al-mashhur. Al-Gharib. Marwa wahid. Wahid. Fa al-Gharib wahid, al-Aziz ithnan, al-mashhur thalath ila had أو إلى ما لم يبلغ التواتر فطلي 3 من حيث التقسيم هذا الحديث الأحد تمام هذا سيكمخي بقي ماذا؟ مضطرب. أحسنت ما هو المضطرب؟ عن يروي راوي بأوجه مختلفة بحيث يعني مع تساوي الضبط بحيث لا يمكن الجمع والترجيح نعم راوي يغابور plusieurs روايات tu peux pas faire le tarjih او plusieurs rois ils ont le même niveau في الحفظ واحد يدي une chose واحد يدي l'autre tu peux pas faire un tarjih si tu peux faire un tarjih tu le fais نعم si tu peux faire un tarjih tu dis هذا il est اقوى من هذا peut-être l'autre sa riwayat sera شاذة او هذا un imam un ثقة l'autre c'est un ضعيف tu diras هذا sa riwayat est munkara يخالف الثقات لكن في هذا الحال أنت تبقى فرض الترجيح في هذا الحال ونجغى مضطرب أحسنت المدرج المدرج أن يكون راوي دخل قوله في المتن ما تبقى فرض نعم إدخال قول الراوي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تمييز تبقى فرض التمييز العلماء يلومونت أن هذا مدرج يدي موين دي كونت خلق إدراج تفضل بتنصيص العلماء نعم تنصيص العلماء تنصيص العلماء أي أن إمام يتدي ست رواية سولف دي المدرج وكثرة الطرق جمع الطرق تسوغ أن ست رواية الغاشوت نفخيسيزيون تكمبخوندغا كمثلا لا دوزيام رواية يتدي قال أبو هريرة قال ابن عمر تسوغ أكس من قول صحابي لا بخومير يابا سي دو شوز تنصيص العالم وجمع الطرق سي دو شوز سي مهم جدا سي مهم جدا دون بليزيور اقسام اون اي فيو لا سوليوشن بور سافوار سي سا تو ريفيان اقوال العلماء كذلك جمع الطرق سي مهم فائده شيخ مقبل رحمه الله عليه اليوم دوموندي مره بور رابور او خلاف احيانا كي افيك الشيخ الالباني دان سيغتان حديث الشيخ مقبل لو غادي مونتري ان بمعنى كلامه أن الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى دي زوفغاج خاصة quand il était في المكتبة الظاهرية في دمشق il avait des زوفغاج que الشيخ مقبل il avait pas c'est pour ça que ربما حكم الشيخ الألباني dans certaines choses il est أقرب لماذا لأنه il avait des références des assanis des livres que les autres ils avaient pas tu vas trouver Cheikh Moukbil, il va donner son hukm par rapport à ce qu'il avait. Maintenant, il avait réussi à trouver 3 isnad. Les 3 isnad via Shay. Cheikh Al-Albani, il arrive à en trouver 10 avec les ouvrages qu'il avait. Il avait le Maktab al-Zahiriya, il avait des Makhtoutat, rahmatullah alayh, qu'ils n'étaient pas imprimés, que personne n'avait. Lui, il avait accès. Ça change beaucoup de choses. Cheikh Al-Albani, il avait accès. Enfin, il pouvait trouver une tariqa que les autres, ils n'avaient pas. Ça change le hukm. C'est pour ça que hukm al-Muhaddid, c'est par rapport au turuq qu'il a. Fala tasta'jil. Si c'est un imam et il rapporte des autres tariqas que l'autre il n'a pas, il renforce le hadith, en tant tu prends cette turuq. Et tu dis, Cheikh Fulan il l'a hassan parce que kada. Hada c'est muhim. Et ça c'est min ni'am Allahi azza wa jalla ala l'imam al-Albani. Il l'a waffaq. Awalan le temps. Ta'lamoun, il n'avait pas un marquez. Il n'avait pas des tolabs toujours avec lui. Donc il avait beaucoup de temps. Et cette maktaba. C'est min ni'am Allahi azza wa jalla alayhi. Il avait accès à des livres très rares, des manuscrits que les autres ils n'avaient pas. Allah subhanahu wa ta'ala nafa'a bihi alayhi rahmatullah. نكتفي بهذا وربما يمانك ان قسم او دو كنا با فيو المتفق اي سيترا هذا سهل المنكر اون لا فيو ان شاء الله سا سي كومبري نو سيتي مجرد دي نصائح دي المراجعه باختصار الايسانسييل سي لي ليفغ ولله الحمد لله بي كومبري كونتينوي هكذا فات دي ايفور في الحفظ حفظ المنظومه سا فو زيدي كذلك المصطلح سي نورمال او ديبار او ديبار تلتبس عليك الامور سي لو بروميير ليفغ. Enfin, un tome, c'est tout à fait normal. Matalan, tu mélanges au début le mudraj avec le mudabbaj, tu mélanges le marfou et le mawquf, ça arrive. Au début, c'est normal. Un tome, alhamdulillah, c'est compris. Enfin, continuez hakada. Et livre après livre, ce qui est bien, et tous les ulums, c'est hakada. C'est que le deuxième livre, tu vas voir exactement hakada. Tu vas prendre un. Et c'est quoi le prochain livre qu'on doit faire? Ikhtisar ulum al-hadith, al-hafid, ibn Kathir. Al-bahith, al-hadith. Avec Tahqiq Ahmed Shakir, Ma'rouf. Vous allez voir, tu vas reprendre du début. Le Moudarris, il va te reprendre à Sahih. Le premier chart, il te sort le Sanad. Tout ce que vous avez vu, il va te le redétailler. En ta force, ça va rentrer. Et il va citer des choses que tu n'as pas vues. Troisième livre, Al-Nuzha. Nefsushay, tu vas commencer à Sahih. Il va te reciter les choses. Lakin, ça va être de plus en plus vaste. En ta, si tu n'as pas tout compris, tu n'as pas tout saisi, c'est tout à fait normal. Amana, ce que j'ai vu, alhamdulillah, c'est pas yib ditten, ditten. Va continuer, hakada. Lakin, les prochains livres, tu fais avec un mudarris qui est qawi fil fun. Il n'y en a plus le mudarris, il est qawi. Plus il maîtrise, plus il a du tira, plus il donne du temps à ce fun, plus il va te donner ses fawa'id. Et en tas, ça te stafide, tu auras de la kouwa. Ahada. Enfin, les livres, khasatan ces deux livres. Al-Bahith, Ikhtisar ulum al-Hadith et Al-Nuzha, ça doit être des livres, tu te qinha, hatta inshallah, ta stafide. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. التوفيق للجميع. فهذا c'était le dernier درس البيقومية. إن شاء الله on verra le prochain درس qu'on fait ensemble à partir de demain. نعم نكتفي بهذا الحمد لله.